Selon les informations sud-coréennes, la 9e action pan-nationale pour la démission de Park Geun-hye a commencé simultanément le 24 décembre dans toute l'étendue de Corée du Sud, sous les auspices de l'Action nationale extraordinaire pour le retrait du pouvoir de Park Geun-hye. Y ont participé plus de 702 000 personnes de tous les milieux de toutes les régions, notamment Séoul, Busan, Gwangju et Daegu.